Eh bien, parlez dernièrement. L'autre jour, contre toute attente, mon premier mari se présente. Vous m'intéressez fortement, continuez ma chère enfant. Son bonnet à poils pittoresque avait un plumet gigantesque. Ça rentre dans le fourniment, continuez ma chère enfant. Que vous dirais-je à cette vue, ce grand plumet? Je fus ému. Ça se comprend facilement et je vous approuve absolument. Oh mon père, je ne pense qu'à lui. Voyez-vous, j'ai beau faire, c'est un revenez-y. Voyez-vous, j'ai beau faire, voyez-vous, j'ai beau faire, c'est un revenez-y. Depuis ce jour, je le confesse, mon père ne m'apparaît sans cesse. Ça s'explique naturellement, continuez ma chère enfant. Je lui trouve figure, fier maintien et mâle tournure. C'est un être plein d'agrément, continue, ma chère enfant. Et dans mes longues insomnies, je revois ses buffles torrides. Ça rentre dans le fourniment et je vous approuve absolument. Oh mon père, je ne pense qu'à lui. Voyez-vous, j'ai beau faire, c'est un revenez-y. Voyez-vous, j'ai beau faire, voyez-vous, j'ai beau faire, c'est un revenez-y. C'est un Mais non, c'est assez naturel. Que dites-vous? Je dis, nom d'une bombe, Margot, viens donc que je t'embrasse. Bernard! Grelotte! Toi ici, à Milan? J'y suis avec notre fille. Avec Stella? Oui, et puisque te voilà des nôtres, tu vas me donner le sauf-conduit que tu as dans ta poche. Tiens, Bernard, le voilà. À la bonne heure! Décidément, Margot, tu es une bonne fille. Griolet, mon lieutenant, clan passe! Venez! Mais qu'est-ce qu'il y a? En route, mes enfants, voici le sauf-conduit. Adieu, monsieur Robert. Robert? C'est lui, enfin. Sbire, arrêtez cet homme. Le duc, prie, mes seuls, silence, vous tous. À vos ordres, monsieur le duc. Allez, venez. Ah, aujourd'hui, tout me réussit. Ah, mon seigneur, ah, mon révérend, quel service vous m'avez rendu. Un service, nous? Ah, sans doute, mais Sbire ont tout de suite trouvé ma fille à l'adresse que vous m'avez indiquée. Ah bah, pas possible. Et en costume de vivantière, on ne pouvait s'y tromper. Mais alors c'est Claudine. Chut. Et immédiatement, ils l'ont conduite au palais du gouverneur. Ah, je triomphe. Maintenant, je suis sûr qu'elle épousera Bambini. Mais pour cela, j'ai besoin de vous, duchesse. Venez, venez, allez-vous faire. Qu'allez-vous faire, Ascanio? Mais qu'est-ce qu'il mijote? Et tout est prêt, nous pouvons partir. Où donc est Robert? Arrêtez. Arrêtez? Et Claudine aussi, ils l'ont prise pour vous. Que dites-vous? Bah, nous avons le sauf-conduit, nous sommes libres et nous les sauverons. Filons, mes amis. Bonne chance.